Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens Territoire Grand Est, Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on va parler de la carte européenne d'assurance maladie et du droit des passagers dans l'Union Européenne afin de préparer vos vacances. En effet, l'été approche, les valises sont presque prêtes. Mais avez-vous pensé à votre santé si vous tombez malade à l'étranger? Aujourd'hui, dans notre chronique, justement, on s'intéresse à un outil souvent méconnu mais très utile, la carte européenne d'assurance maladie. Alors, première question toute simple, qu'est-ce que c'est que cette fameuse carte européenne d'assurance maladie? Alors, c'est une carte gratuite délivrée par votre caisse d'assurance maladie qui vous permet de bénéficier de soins médicaux dans 27 pays de l'Union européenne, ainsi que dans quelques pays partenaires comme la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la Suisse et même le Royaume-Uni depuis le Brexit. Concrètement, si vous tombez malade ou vous avez un accident pendant vos vacances, vous serez pris en charge dans les mêmes conditions et au même tarif que les assurés du pays où vous vous trouvez. Mais est-ce que cette carte remplace une assurance voyage ou une mutuelle ? Non, attention, elle ne couvre que les soins nécessaires sur place pendant un séjour temporaire. Elle ne prend pas en charge des choses comme le rapatriement sanitaire ou des soins dans le privé, qui ne sont pas remboursés par le système public local. Donc si vous partez longtemps ou dans des conditions particulières, une assurance complémentaire peut être utile en plus. Et comment fait-on pour se la procurer? Est-ce compliqué? Pas du tout, en France, vous pouvez faire la demande en ligne sur amélie.fr ou via l'appli Amélie. Vous pouvez aussi passer par votre mutuelle étudiante ou d'entreprise si elle gère vos remboursements. Il faut s'y prendre au moins 15 jours avant le départ car elle est envoyée par courrier. Et si vous êtes un peu à la bourre, pas de panique, vous pouvez demander un certificat provisoire de remplacement qui a la même valeur pendant un séjour. Donc si je vais en Espagne cet été et que j'ai une entorse à la cheville en faisant du paddle, eh bien je peux aller à l'hôpital public avec ma carte et être soigné gratuitement. Exactement, l'hôpital vous prendra en charge comme un assuré espagnol. Selon le pays, il peut y avoir un reste à charge comme un ticket modérateur ou des frais d'avance. Et dans ce cas, vous pouvez demander un remboursement une fois de retour en France ou même sur place si vous passez par l'assurance maladie locale. Alors là, on est en Espagne, mais est-ce qu'il y a des différences entre les pays? On imagine que les systèmes de santé ne sont pas tous identiques. Oui, c'est un point très important. Chaque pays a ses propres règles. En Allemagne, par exemple, les soins sont souvent gratuits à condition d'avoir une ordonnance. Alors qu'en Italie, certaines prestations sont payantes. Il faut bien se renseigner avant le départ. Le site CLEIS.fr, CLEIS.fr, donne toutes les infos pays par pays. Et pour les enfants, les mineurs peuvent-ils avoir leur propre carte? Absolument, et c'est même recommandé. Chaque assuré, y compris les enfants, doivent avoir sa propre carte européenne d'assurance maladie. Donc si vous partez en vacances, pensez à en faire la demande pour tout le monde. On comprend que cette carte, elle est bien pratique, mais elle reste encore assez peu connue du grand public. Pourquoi? Alors, il y a un manque de communication, clairement. Pourtant, plus de 240 millions de cartes ont été délivrées dans l'Union européenne. C'est un bel exemple de coopération concrète entre les États membres. Et la carte européenne d'assurance maladie montre que l'Union européenne n'est pas qu'un concept lointain. Elle agit dans la vie quotidienne, y compris pendant les vacances. Alors on parle de vacances et de voyages, mais pouvez-vous nous présenter les droits des passagers du transport aérien dans l'Union européenne? L'Union européenne a une réputation plutôt bonne dans ce domaine, pouvez-vous nous rappeler pourquoi? Alors l'Union européenne est en effet la seule zone au monde à offrir un cadre légal unifié via le règlement qui est applicable à tous les vols au départ de l'Union européenne ou opérés par des compagnies européennes vers l'Union européenne. Les passagers y ont des droits clairs, indemnisation, assistance, remboursement ou réacheminement selon les cas de figure. Qu'est-ce qui s'applique si on est empêché de monter à bord? En cas de surbooking ou annulation, la compagnie doit d'abord chercher des volontaires. A défaut, ceux forcés de rester à terre ont droit à un remboursement en 7 jours ou un nouveau vol, une prise en charge, donc restauration, hébergement et deux communications, et une indemnité de 250 à 600 euros selon la distance du vol. Et si le vol est simplement retardé? Alors, des 2 heures de retard, des repas, boissons, communications offertes, si le vol est reporté au lendemain, un hébergement plus des transports vers l'hôtel, et des 5 heures de retard, un droit à un remboursement complet du billet. Et ces droits, ça marche à tous les coups? Alors non, près de 43% des Français n'en ont jamais entendu parler selon Flyright. En parallèle, l'exécution varie beaucoup selon la compagnie et l'aéroport. Et l'Europe envisage de revoir ses règles, alors qu'est-ce que cela change? Alors, la Commission propose de rehausser le seuil de retard ouvrant droit à indemnisation de 3 à 5 heures et 12 heures selon la distance. Les défenseurs des consommateurs s'alarment et près de 80% des compensations pourraient disparaître. Pourtant, les passagers réclament plus d'indemnisation, pas moins. Et comment ça se passe dans les faits? Alors, depuis 2021, 16 grandes compagnies, Ryanair, Air France, EasyJet, etc., se sont engagées à respecter les règles. On note aussi que les centres européens des consommateurs œuvrent pour défendre et accompagner les passagers. Merci Adam et bonnes vacances. C'était la chronique Europe On Air sur Radio Fadjet présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien. À bientôt.